Alexandre Turgeon, DG du Conseil régional de l'environnement, bon matin. Bonjour. Est-ce que j'ai rêvé ou je vous ai vu en studio, il n'y a pas longtemps, débattre à propos d'un troisième pont à Québec? Oui. Est-ce qu'on a passé 30 à 40 minutes à peu près à débattre de ça en ondes? Oui. Est-ce que vous avez pu exprimer librement votre position qui est contre absolument. Un troisième pont à Québec? Je sais pas c'est quoi, là où tu vas en venir, mais absolument. Ben, relaxez un peu, je fais juste poser des questions, là. Donc, on s'entend qu'on a eu un débat. Je t'entendais il y a 5 minutes, puis je pense que c'est toi qu'il faut qu'il relaxe, là. Ah ouais? C'est mes administrateurs d'imbéciles, là. Ah, ben, les gens qui sont plus administrateurs chez nous, soit dit en passant, là, la liste que tu as dit, c'est une vieille liste, je sais pas d'où elle vient, là, mais. Le mot que j'ai dit, là, m'a le répété, ouvre bien vos oreilles. Innocent. Parce que quand on demande l'opinion à quelqu'un, à savoir s'il endosse les propos d'un autre, puis il me réfère à cette personne-là, je trouve que ce comportement-là est un comportement d'innocent. J'ai jamais dit imbécile, mais c'est une suggestion, mais je trouve ça trop fort un peu. Je pense que c'est quand même innocent. Alors, pourquoi, moi, quand on veut m'enlever mon job et mon gagne-pain, et quand on veut enlever le gagne-pain de tous les gens que j'aime autour de moi, et qui travaillent très fort, y compris des gens qui ont rien à voir avec ce que je dis, il y a des gens à la station qui pensent exactement le contraire, oui, ça m'énerve. Et si un jour, je menace de vous enlever votre job, et que pendant une heure à la radio ou partout, je dis qu'il faut sacrer dehors Alexandre Turgeon, je pense pas que vous allez rester calme. Parce que là, vous venez jouer pas juste dans mes opinions. Ça, là, combattez-moi tant que vous voulez. Quand vous jouez dans mon assiette, puis dans le job, puis la job des gens que j'aime, j'haïs ça. Et de quel droit, c'est ma première question, de quel droit voulez-vous nous fermer? Bon, merci. Ma question, c'est de quel droit voulez-vous nous fermer? Bon, premièrement, la réponse a été donnée hier, c'était une boutade. On se comptait dans un contexte sur les pipelines d'Enbridge, où le Québec a peu de pouvoir, sinon un pouvoir politique d'influencer le fédéral, parce que c'est un pouvoir fédéral. Puis on a fait le parallèle dans un autre pouvoir qui était ceux du fédéral, c'est-à-dire la radiodiffusion, les télécommunications. Le fédéral devrait peut-être mieux s'en occuper, sinon le Québec, peut-être qu'il devrait songer à fermer des radios poubelles. Il y a un député qui a posé une question sur, oui, mais transport en commun, c'est difficile à vendre à Québec. Regardez Robert Bourassa la semaine passée. Puis je pense que il y a une différence entre faire des débats comme vous en avez organisé en campagne ou avant la campagne électorale sur différents enjeux, sur les transports. Émettre des opinions, animer votre public, c'est une chose. D'encourager les automobilistes à faire des gestes dangereux, comme vous l'avez fait la semaine passée. Qu'est-ce que j'ai fait la semaine passée? Résumez-moi ça. Résumez-moi ça. Attendez un peu, vous venez de dire que je mets en danger la vie du monde, vous allez me résumer exactement ce que j'ai dit, quand vous l'avez écouté ce que j'ai dit. Allez-y. Avoir des comportements dangereux. Quoi? De conduite, d'aller bloquer les voies réservées, mettre leur vie en danger, mettre la vie des gens qui sont dans les autobus en danger. Ça, je pense que vous dépassez. En quoi? Qu'est-ce que j'ai dit exactement? C'est quoi j'ai dit? Les ondes, c'est un privilège. Puis moi, je m'excuse, je trouve que le CRTC vous rappelle pas assez souvent. Qu'est-ce que j'ai dit qui mettait en danger la vie des gens? Allez-y. Encourager plein de comportements dangereux de la part des automobilistes. Comme quoi? Comme aller bloquer les voies réservées. Aller bloquer les voies réservées? Si je décide que je fais une manifestation pacifique en roulant tranquillement à 20 km/h sur une voie réservée comme j'ai proposé, en quoi je menace plus la vie de tous les carrés rouges, tous les gauchistes, tous les environnementateurs qui grimpent d'un pont dans la biosphère puis partout? Expliquez-moi ce que j'ai dit en ondes, je le sais, c'est moi qui l'ai dit, je l'assume à 100%. Écoute, j'ai dit qu'avec un taxi, j'allais me promener à 20 km/h sur une voie réservée. En quoi les accusations que vous avez portées sont très graves? En quoi je mets en danger la vie du monde? Si, je ne laisserai pas faire ça, là, vous avez beau me signer. En quoi? Les automobilistes t'appellent pour te rapporter les brillantes idées de comportement déviant qu'ils ont eu pour bloquer les autobus, puis toi, tu les encourages. Jamais, jamais, jamais. En quoi je les ai encouragés? En quoi? En quoi? La liste d'administrateurs que tu as cité tantôt est pas bonne. Ah, je me calisse, la liste, pas ça, je parle. La liste est sur votre site Internet en passant. C'est là qu'on l'a pris. La liste, me suis peut-être fourré. Je m'en sac comme de l'an 40. On m'excuser 100 fois s'il faut. Vous allez revenir et vous allez retirer vos propos. Quand j'ai mis en danger la vie du monde? À quel moment? J'ai jamais dit au monde de couper. La semaine passée. Hein? Quand le maire t'interpelle personnellement la semaine passée puis dit que tu vas en assumer les conséquences de tes actes, là, s'il y a des accidents, là. Le maire m'a interpellé personnellement à quel moment? Moi, je pense que c'est pas mal toi qui visais. Ah, vous pensez ça, vous? Ah, vous lisez dans les pensées du maire la bombe. Vous m'accusez un matin de mettre la vie. Regarde, Bouchard, le pouvoir, là, c'est toi qui l'as dit. Hey, Turgeon, calme-toi. Moi, là, je vous vois, vous allez me respecter. OK? Je vais continuer passant, à vous... Hey, by the way, c'est pas vrai que tes impôts payent mon salaire, OK? Ah ouais, c'est quoi? 75 cents pour 3 ans, je te l'ai remboursé il y a 3 ans, là. Je te donne pas une maudite scène. Moi, par contre... Qui paye ton salaire, Turgeon? Qui paye ton salaire? Quand moi, je vais chez Desharnais pour faire changer mes pneus, là, moi, je paye ton salaire, par exemple. Qui paye ton salaire, Turgeon? De la publicité chez vous, c'est moi qui encourage ces gens-là. Qui paye ton salaire, Turgeon? Qui paye mon salaire, les organismes sur lesquels je travaille? Les organismes pour lesquels tu travailles sont financés comment? Principalement le Centre d'environnement, qui paye plus que la moitié de mon salaire, puis il n'y a pas une maudite scène du gouvernement du Québec qui vient dans le Centre d'environnement, puis ça fait plus de 10 ans. Alors, il n'y a pas de subvention des municipalités, non, du gouvernement, pas en tout. Par contre, vous, par exemple, quand il y a un ministère qui ne veut pas vous donner une publicité, par exemple, vous autres, vous la commandez, la publicité du ministère, parce que vous autres, vous en avez besoin. Faux. Totalement faux. J'ai jamais commandé de la publicité. Mais c'est tout faux, ça. Hey, moi, en passant, j'assume tous mes propos, OK? Je te traînerai pas en cours sur Jean, parce que ça m'énerve, puis je vais régler ça en autre comme ça. Tout ce que tu dis sur moi... Écoute bien ce que je vais te dire là, Turgeon, là, c'est de la diffamation que tu fais à matin. J'irai pas devant les tribunaux de m'accuser de mettre en danger la vie des gens, là. C'est de la diffamation. Jamais, jamais je n'ai fait ça. Tout ce que j'ai proposé, c'est pacifique. Ce que je dis en honte, je l'assume. De dire que le maire m'a accusé, de dire que j'étais un criminel, pis etc., c'est des accusations extrêmement graves. Ce que tu fais à matin, là, c'est de la radio poubelle. C'est exactement ça. Ce que tu me reproches, là, ben, tu le fais, puis les gens sont témoins. C'est des accusations gratuite, sans preuve, des raccourcis. Et ce que tu proposes, de fermer notre station de radio, ça s'est uniquement fait dans des pays de dictateurs sanguinaires. Trouve-moi un autre exemple, sinon. Trouve-moi un autre exemple d'un pays qui a fermé un média, qui est démocratique et respectueux. Il n'y en a pas. Trouve-moi-en un. Mes propos n'engagent que moi-même. Ben, j'espère. Moi aussi, j'en assume la responsabilité. T'as même pas une once de fierté pour t'excuser? Je le prendrais, moi. Je m'excuse. Non, essaye-les. C'est la dernière chance que je te laisse. Au moins, il y a un média qui rit de vous autres à chaque vendredi soir à Radio-Canada. Que les autres, au moins, là... La plug est faite. C'est beau, la plug est faite. Radio-Canada, le vendredi. Radio-Canada, est-ce qu'ils ont le droit d'exprimer des opinions, eux? Absolument. Pourquoi, moi, j'ai pas le droit? Est-ce que... T'es qui, toi, pour juger que j'ai pas le droit? Est-ce qu'encourage des gens... Regarde, on a tous le droit d'émettre des opinions. Ben oui. Mais il y a des moments où vous dépassez des bornes. Et toi, tu es le juge de ça? Ça devrait être au CRTC de vous rappeler à l'ordre. Porte plainte. Regarde, je te mets au défi. Porte plainte. Vas-y, moi, t'affronter. Je sais exactement ce que j'ai dit sur les voies réservées de Robert Bourassa. Jamais j'ai encouragé, puis je le ferai pas. À matin, j'ai défendu les chauffeurs. Avant hier, je les ai défendus. J'ai des amis là-dedans. Tu penses-tu sérieusement que je suis assez cave pour demander aux gens de se garrocher dans les autobus? Tu penses vraiment ça? En tout cas, c'était pas élogieux, les trois matins, c'est vrai, réservé la semaine passée. Élogieux, ce que tu viens de faire avec moi, puis partout, puis à l'Assemblée nationale, de demander à tout le monde de perdre la job, là. Donne-moi pas de leçon de ce qui est éthique et élogieux. T'es qui, toi, pour décider de ça, t'as le droit de dire ça, ça, t'as pas le droit? Regarde, je te donnerai jamais ce pouvoir. Que vous êtes une nuisance publique? Que vous êtes une nuisance? Tu parles de liberté d'opinion, j'ai-tu le droit de dire que vous êtes une nuisance publique? Une nuisance publique? Ça, tu crois? Écoute-moi bien. C'est mon opinion. Oui. Mon opinion. Oui, t'as le droit. Oui. C'est la mienne. Hey, oui? Écoute bien. Oui, t'as le droit. T'as le droit de dire que j'étais un con. T'as le droit de dire que j'étais un innocent. Non, c'est pas un con. C'est un gars. Je t'écoutais un peu le passé. C'est un gars brillant. Tu peux dire ce que tu veux. C'est pas le problème. Mais si jamais tu dis des affaires que j'ai pas faites et surtout que je menace la vie des chauffeurs d'autobus ou du monde, ça passera jamais. La seule solution, c'est que tu t'excuses, mais t'es pas assez homme pour le faire. Tu dis, je m'excuse. Sinon, là, je perdrai pas de temps avec toi. Je te menace pas. J'ai pas de temps. Mais je te jure que l'avoir, si j'étais un gauchiste subventionné avec plein de temps, là, je te poursuivrai en cours. Non. Mais je te rappelle que je paye plus ton salaire que tu payes le mien, Sylvain. Bonne journée. 8h40. Ça fait longtemps que c'était pas fâché. Ah, c'est tôt que ça vient me... Mais c'est qui, ce monde-là, pour nous juger? C'est qui pour décider qu'il faut que je perde ma job, puis que t'as perdu, puis qu'elle, puis lui, puis tout le monde qui sont là, là... C'est qui pour demander au gouvernement péquiste qui ferme notre station?